effet, la mythomanie est un problème assez difficile à traiter et assez peu connu. Qu'est-ce que c'est que la mythomanie ? La mythomanie, c'est une compulsion, c'est une sorte d'obligation que ressentent certaines personnes à mentir. Alors, la personne va s'enfermer dans une représentation d'elle-même, souvent très valorisante et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, quelles sont les causes ? Je vais te reproduire les actes des mythomanes. 8 jours 3 avec le feu, mieux qu'un pyromane. Se met dans la peau d'un personnage historique. Il forme un scénario en quelques secondes. Force scientifique, frigorifié quand j'ai appris que c'était une maladie. Ma vision change, développe un autre sens comme le tronc Jimmy. Il prend ses paroles, il rentre dans son propre anneau. Guéri, t'as oublié de le dire que cela c'est un truc par cette personne. Pour avoir un mal-être intégré en lui, se mettre en avant ce serait peut-être pour lui un oubli. Il prend du recul mais qu'il incite à être plus imaginatif. La jalousie et la haine le rend hyper actif. Le pire, c'est quand il voit les gens languir, c'est une revanche qu'il prend car gêne. Il faisait subir dans ses déplacements un acteur contrôle l'homme naturel. Quand tu l'interroges d'une voix grave, répond: moi je suis un rebelle. Le maquillage qui masque leur vrai visage, c'est les sables de nos jours, c'est devenu un marquage. Alors qu'on soucie de trouver un gars qui a encore besoin de sa maman, un gars qui fonctionne selon le regard des gens. Puis cette femme qui veut être le centre du monde, qui se déboîte le cul quand elle marche, peut faire l'effet d'une bombe. Des expressions de la figure pour faire bander le mal. Si tu tombes sur le charme, tu te retrouves dans une spirale infernale. Dans sa tête, à elle, c'est pire qu'une entreprise. Elle saura quoi faire pour avoir entièrement ton emprise. C'est une étiquette qu'elle se collera sur le front. Tu feras connaissance de la vraie personne au bout des années de cohabitation. Des mythomanes, y'en a aussi planqué derrière le micro. Un faux MC, c'est pas forcément celui qui va te parler de ghetto, mais le boss, c'est celui qui va payer la rue. Copier coller à un voyou pour avoir toutes ses ruses. Tu n'as pas l'étoffe d'un mauvais garçon. Tu veux baiser l'état mais t'as pas des raisons d'établir cette pénétration. C'est des postillons de déception que je t'échange. Je suis un rare type qui n'a pas envie qu'on le mélange à ces êtres qui ont avec le temps rouillé leur moteur. Tu chiens, je te repère de loin, j'ai un détecteur de puanteur. Je sais que tu m'écoutes mais te connaissant tu fais l'ignorant. Regarde tes cœurs, t'es à la fois mort et vivant. J'espère que tu vas avoir une prise de conscience. Ça sert à rien de me laisser des gommes avec une prise de confiance. Si j'ai changé en ton égard, c'est que t'as atteint cette maladie. J'accentue et confirme que c'est la mythomanie. La dernière chose que je peux te dire avant de finir, c'est que si tu critiques ce morceau, c'est que t'es toi-même atteint de cette maladie. Regarde, regarde ta réaction, à l'instant même là, à l'instant même où tu écoutes le morceau, regarde. Ah là là. Est-ce que on peut aider quelqu'un qui souffre de mythomanie ? C'est pas évident. C'est pas évident parce que beaucoup de personnes souffrant de mythomanie ne vont pas se considérer comme mythomanes. Soit elles vont avoir l'impression qu'elles disent vraiment la vérité. Soit elles vont le faire pour manipuler, pour obtenir des choses, et donc elles vont pas avoir envie de traiter ce problème-là. Soit, tout simplement, elles vont pas le considérer comme un problème. Mythomanie.